incredible is the athlete into the speakers. Incredible is the athlete into the speakers. Incredible is the athlete into the speakers. Incredible is the athlete into the speakers. Je viens de passer devant les halles. Je pense à la vie, ses aléas, quoi t'allais mal. D'illégale fiction, tu remplissais une malle. Tu m'appelais fiston, on faisait partie du cercle. Ouh, les potes tombent, saignent, ont disparu. Tu sais, on quitte la rue, on saigne. C'était ta phrase fétiche, t'aimais l'instinct, pas les potiches, les pacotilles. Et quoi qu'on dise, t'avais ton style. La gourmandise, dont toutes les filles hostiles. De Sandy à Fatou, t'avais la même fibre. C'était le même deal, je calculais tes combines. Tu me disais, allez, bois, fume. Tu te souviens de cette histoire, gros, d'un certain soir. Trop souvent on se couvrait d'or, l'autre rigolait pas. Tu te souviens de cette histoire, gros, d'un certain soir. Trop souvent on se couvrait d'or, l'autre rigolait pas. Sous les seins, près de l'enceinte, on éveillait les cinq sens. Vivait l'insouciance, on a un sens, on avait raison. Sans elle, on n'avait aucune prison. On était libre, zen, qu'est-ce qu'on rigolait. Au lit, avec tes légendaires acolytes. Mélange des genres, alcool, ligne de coke. Comme tous les junks, on aimait Ken. Les jeunes idéales, on n'était pas. Barbie repartait chez Mattel. On n'était pas de ceux qui maternent. C'était tel quel, un Marcel. Les alters, les filles voyaient les asternes. Les teignes nous maternent. Tu te souviens de cette histoire, gros, d'un certain soir. Trop souvent on se couvrait d'or, l'autre rigolait pas. Tu te souviens de cette histoire, gros, d'un certain soir. Trop souvent on se couvrait d'or, l'autre rigolait pas. Tu te souviens de cette histoire, gros, d'un certain soir. Désormais je fréquente les funérailles. Je pue, râle, souvent rade. Je suis un épouvantail, sur ma table je traîne. Inévitable, épouvantable, soif d'être pur. Combien la comprennent, combien sont à la dérive. S'imprègnent de ce qui gêne. Papy amène les chrysanthèmes, chapitre plein de chrysanthèmes. C'est clos ce matin, c'est clos ce matin. Un, deux, plus. Je me sens diminué à l'arrière du bus. On rêvait d'une île au large de Tunis. Frère, t'as crevé, espèce d'enfoiré. Tu te souviens de cette histoire, gros, d'un certain soir. Trop souvent on se couvrait d'or, d'autres rigolaient pas. Je nourris ton absence de quelques verres à la tienne. C'est peu, c'est vrai. J'ai perdu la verve, j'aimerais faire une trêve. Comme toi, m'ouvrir les veines. Mais sous mon toit, j'ai de la veine. Un fils, ce qu'on souhaitait en coulisses. Mec, où que tu sois, souviens-toi de nos 8-6. La Bavaria faisait de nous des bavarards. Les rois de la piste, immaculés de pisse. Mes yeux splissent, je vois en panorama. Nos vies paranormales, si t'étais là, tu serais parrain, normal, mais là, qu'est-ce qui nous reste? Un hommage des plus banales. Cette image, ton corps dans ce canal. Ton corps. À présent, je suis repenti. Servi par une vie ralentie. J'ai plus d'appétit et souvent je me dis: notre amitié fut rare, notre amitié fut rare. Tel un mariage, tel un mariage. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, la mort nous sépare. Ainsi soit-il, ainsi soit-il. À la prochaine, à la prochaine.